Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, solidarité et la fin du régime communiste en Pologne. Je pense qu'il reste des espoirs parce que les Polonais jamais ne renonceront à la liberté. Donc, je pense que les autorités finalement seront amenées à composer avec la société parce qu'ils ne pourront pas gérer la société par les moyens militaires. C'est absolument exclu. Donc, j'ai l'espoir qu'ils reprendront le dialogue avec la société polonaise. Alexandre Smolar, militant du mouvement ouvrier qui est à l'origine de la naissance de Solidarité, reste optimiste au moment où il accorde cette entrevue à l'émission L'Événement en janvier 1982, malgré le coup de force que vient d'asséner à la société civile polonaise le général Jaruzelski, l'homme fort du régime communiste en Pologne, en décrétant la loi martiale quelques semaines plus tôt, le 13 janvier 1981. Cet état de guerre décrété par le général Jaruzelski est la réponse brutale du régime en place à Varsovie au vent de liberté et d'espoir qui souffle sur la Pologne à la suite de la victoire des travailleurs polonais en août 1980 avec la signature des accords de Gdańsk qui reconnaissaient l'existence légale du syndicat Solidarité. Formidable revanche de l'histoire en Pologne. Dans quelques jours, Lech Wałęsa va prendre la place du général Jaruzelski, qu'il avait fait emprisonner il y a 9 ans, pratiquement jour pour jour. Élu hier avec 77% des voix, Lech Wałęsa prend les rênes de la Pologne. Très symboliquement, le premier geste du nouveau président a été de rendre visite aux ouvriers des chantiers navals de Gdańsk, là où il y a 10 ans, un petit électricien inconnu avait mis le feu aux poudres en Pologne et, par contagion, dans tout le globe socialiste. Récit d'une première journée de présidence avec notre envoyé spécial Anne Gainsburger. En mémoire des ouvriers tombés pour solidarité, aux portes des chantiers navals, le premier geste du nouveau président de la République de Pologne. Lech Wałęsa n'a pas oublié ses compagnons de lutte, c'est d'abord avec eux qu'il entend tourner la page. J'espère revenir souvent ici. Je ferai tout pour améliorer votre vie. Je sais d'où provient ma chemise blanche et je n'oublierai pas que j'avais moi aussi un bleu de travail pareil au vôtre. Toute la nuit à Gdańsk, ils ont scandé son nom. Au siège de Solidarité Symbole, celui de la déroute du communisme, de l'avènement de la liberté. Extrait du journal de 20 heures d'Antenne 2 à l'époque, au moment de l'élection de Lech Wałęsa à la présidence de la Pologne en décembre 1990, le chemin entre les accords de Gdańsk en août 1980 et l'élection de Lech Wałęsa à la présidence de son pays en 1990 a été long, un long chemin, et c'est un peu ce parcours mouvementé que je vous propose de revivre aujourd'hui avec mon invité qui est Bernard Lecomte, journaliste, écrivain, auteur entre autres de l'histoire du communisme pour les nuls ou encore de l'ouvrage Secret du Kremlin. C'est à Auxerre, en Bourgogne, que nous joignons Bernard Lecomte. Bernard Lecomte, bonjour. Bonjour. Alors, pour bien comprendre comment on en arrive à la naissance de Solidarité en 1980, Bernard Lecomte, je pense qu'il faut tout de suite parler d'un autre événement qui nous ramène au mois d'octobre 1978, l'élection à Rome du pape Jean-Paul II. Pourquoi c'est important dans l'histoire de Solidarité et pourquoi il est si important, Jean-Paul II, pour les Polonais? Parce qu'en 78, ce pape inconnu qui est élu par le conclave, il est polonais. C'est pas seulement qu'il n'est pas italien comme tous les autres papes, c'est qu'il est polonais, c'est-à-dire qu'il vient d'un pays catholique du cœur de l'Europe qui est sous domination communiste. Et quand le nouveau pape lance son fameux cri « N'ayez pas peur », eh bien, on peut se dire que chaque Polonais entend ce cri comme étant une marque de confiance et le début d'une histoire. L'élection d'un pape polonais par l'Église romaine, c'est un peu la preuve que tout devient possible pour les Polonais. C'est un peu ça qu'ils entendent, qu'ils reçoivent dans cette élection-là, finalement. Oui, ça, on va le constater. Moi, j'étais envoyé spécial à cette époque-là en Pologne, en juin 79, lorsque ce pape fait son premier voyage en Pologne. Ouais. C'était quelque chose de complètement insensé. On voyait un petit homme en blanc dans un pays communiste où, comme chacun sait, même les cartes de visite passaient par la censure. Et là, cet homme prononçait des discours, des homélies devant un million et demi de personnes. Ils avaient tous des petites, vous savez, les musicassettes, les petits magnétophones de l'époque, etc. Tout le monde était convaincu, en effet, que ce voyage était un véritable tremblement de terre et la première grande fissure dans le rideau de fer. Ouais. Le deuxième pas important dans cette marche de la Pologne vers sa libération du régime communiste, c'est Bernard Lecomte, cette grève des chantiers navals de Gdańsk en août 80. Ça commence quand et dans quel contexte, cette grève-là? Alors, la grève, elle démarre tout à fait indépendamment des affaires papales et même du voyage. C'était un petit peu normal dans ces pays que de temps en temps éclate un mouvement social. Simplement, au cours de ce fameux été 1980, tous les Polonais ont encore les paroles du pape en tête. D'ailleurs, quand il constitue un syndicat, c'est pas un hasard s'il l'appelle Solidarité, Solidarność en polonais, et non pas Mouvement de Libération ou Syndicat de ceci ou de cela. Non, c'est Solidarité. C'est parce que le pape avait expliqué que l'avenir du pays, l'avenir de ses habitants, passait par la solidarité entre eux, face à un pouvoir pyramidal, un pouvoir autoritaire et totalitaire. Donc même le mot Solidarność, vous voyez, vient au fond du pape Jean-Paul II. Ouais. Et de fait, c'est beaucoup plus qu'un syndicat, et ça va aller très, très vite. La grève commence à la mi-août, mais très, très rapidement, ce mouvement-là, qui est un mouvement, encore une fois, beaucoup plus important qu'un simple mouvement syndical, se répand dans tout le pays. Comment vous expliquez cette... Il y aura 10 millions, très rapidement, 10 millions de membres de Solidarité. Comment vous expliquez la rapidité avec laquelle ce mouvement prend une telle ampleur? C'est en effet un peu le mystère polonais. Toute la société polonaise prend fait et cause pour les ouvriers de Gdańsk. Et cette fameuse solidarité, ce n'est pas un mot creux, la solidarité des intellectuels, des jeunes, des agriculteurs, c'est une véritable solidarité qui unit ce peuple dans un mouvement qui est une aspiration profonde en Pologne. Les Polonais, au fond, les Polonais n'ont jamais été communistes, ils n'ont jamais accepté ce régime. Mais là, en plus, ils savent qu'ils ont un pape qui est avec eux. Ils savent que le monde entier les regarde et de fil en aiguille, en effet, ce syndicat Solidarité va devenir le mouvement Solidarité comprenant plus de 10 millions de personnes. Ouais. Revenons quand même au point de départ, à la grève, à cette grève des chantiers navals à Gdańsk à la mi-août 80. Qu'est-ce qu'ils demandent, les grévistes, concrètement, à Gdańsk? Alors, comme les Polonais ont beaucoup d'humour, ils demandent 21 conditions. Vous savez, 21 conditions, c'est exactement ce que les communistes sous Lénine demandaient aux autres partis communistes du monde entier. Donc, c'est un clin d'œil des ouvriers polonais et de leur leader, Valessa, dont on va parler, 21 conditions, c'est-à-dire 21 revendications précises, dont une seule qui, à elle seule, va faire l'histoire, c'est l'indépendance syndicale. Ce syndicat veut être indépendant. Indépendant de quoi ? Indépendant du Parti communiste, puisque la Pologne, comme tous les pays de l'Est à l'époque, est dirigée par un parti communiste qui dirige tout. C'est pour ça qu'on appelait ça des régimes totalitaire. Ouais. Tout. Et là, d'un seul coup, vous avez des ouvriers et toute une société qui dit non, on ne veut plus dépendre du Parti communiste. Ouais. Et à la tête de ce mouvement ouvrier qui va devenir un mouvement social, vous l'évoquiez, cet homme, Lech Wałęsa, qui prend la tête donc du mouvement. Qui est-il, Lech Wałęsa, et comment se retrouve-t-il à la tête de ce mouvement-là, Bernard Lecomte? C'est toujours un peu les mystères de l'histoire. Voilà un homme qui n'est pas très cultivé, qui est un petit ouvrier électricien, gouailleur, un peu le style Cohn-Bendit en mai 68. Vous voyez, le personnage sympa qui parle plus fort que les autres et qui est surtout un meneur, qui entraîne les autres et qui a, il faut le dire aussi, une foi très profonde. Wałęsa, c'est toujours la petite effigie de la Vierge Marie sur la veste. C'est un catholique. Les Polonais se retrouvent dans cet homme qui vit sa foi et qui vit aussi ses convictions politiques. Ouais. Le 31 août, ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est qu'ils ont gain de cause. Deux semaines après le début de la grève, sont signés les accords de Gdańsk. Ce que prévoient ces accords? Alors, ces accords prévoient beaucoup d'aménagements, de liberté et de revendications classiques, hausse des salaires, etc. Mais surtout, il y a cette fameuse revendication qui est la clé de tout, qui est l'indépendance de ce syndicat. S'il n'y avait pas l'indépendance du syndicat, à la limite, depuis Moscou, on aurait dit, bon, ben, tout ça, ça va se régler plus ou moins. Mais ce qui va coincer, parce qu'à Moscou, vous avez des dirigeants qui ne sont pas fous, vous avez des idéologues, il y a des gens qui regardent ça de près et qui se disent, non, ça, l'indépendance syndicale, c'est la fin du régime communiste, parce que c'est la brèche par laquelle tout va partir. Donc, à Moscou, on aurait laissé faire, à la limite, s'il n'y avait pas eu l'indépendance syndicale. Ouais. Et de fait, puis on y vient dans un instant, mais ça ne tiendra pas longtemps, ça va tenir cette espèce d'âge d'or où tout devient possible, ça va tenir à peu près un an, pour justement mettre en relief cette année qui va suivre. Parlons un peu de l'importance qu'auront les accords. Est-ce que ça va changer pour le régime en place à Varsovie, mais pour aussi Solidarité comme nouvelle force politique et sociale? Je vous propose à ce propos d'écouter l'historien et conseiller de Lech Wałęsa à l'époque, Bronisław Geremek, en parler dans une entrevue qu'il accorde le 4 janvier 81. C'est quelques mois après les accords de Gdańsk. L'entrevue est rediffusée à l'émission L'Événement le 3 janvier 82, quelques semaines après l'imposition de la loi martiale en Pologne par le général Jaruzelski. Les accords de Gdańsk ainsi que les accords des autres villes signés au mois d'août, au début de septembre, ont introduit une nouvelle situation en Pologne. C'est-à-dire, c'est pour la première fois que le gouvernement a pris des engagements clairs à l'égard des gouvernés et, en particulier, le gouvernement s'est engagé à respecter la liberté syndicale, c'est-à-dire la liberté d'organisation syndicale. Et pour la première fois aussi, la société dispose d'une institution qui a une immense confiance de la population. Cette institution, c'est les syndicats. Nous pensons que les syndicats réunissent maintenant quelques 10 millions d'adhérents, 10 millions d'adhérents pour 12 millions de travailleurs. Cela veut dire que le syndicat représente l'immense majorité des travailleurs. Le problème, c'est de quelle façon le syndicat saura s'insérer dans la vie sociale du pays et de quelle façon le gouvernement saura aussi respecter cette nouvelle situation, parce que c'est pour la première fois que la société parle à haute voix de ses exigences. Et de fait, ce sera très mouvementé cette année entre la victoire de Gdańsk en août 80 et l'imposition de la loi martiale par le général Jaruzelski en décembre 81. Qu'est-ce qui se passe, Bernard Lecomte, durant cette fameuse année cruciale? Alors, il se passe une espèce de bras de fer tout à fait étrange et parfaitement unique dans l'histoire entre une société qui est majoritaire, qui a conquis quelque chose d'extraordinaire avec l'indépendance de Solidarité, et puis le pouvoir, qui reste le pouvoir, parce que personne ne rêve en Pologne. La Pologne, elle est entre l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique, elle est complètement quadrillée par les chars soviétiques, et personne en Pologne n'imagine une seule seconde que le pays va d'un seul coup devenir indépendant de Moscou. Donc il y a une espèce de ligne rouge à ne pas franchir d'un côté par tous ces syndicalistes nouveaux qui sont enthousiastes et qui veulent refaire le monde, et puis de l'autre côté, la triste réalité qui est la réalité des chars soviétiques qui occupent le pays. Et puis de l'autre côté, il y a le parti lui-même, le parti communiste polonais, qui est tout à fait minoritaire, qui est maintenu à bout de bras, bien sûr, par Moscou, et qui sait que lui aussi, il ne faut pas qu'il dépasse cette ligne rouge dans l'autre sens, parce que sinon, il y a un peuple entier qui est prêt à se soulever. Et qu'est-ce qui fait que finalement, Jaruzelski décide de décréter l'état d'urgence le 13 décembre 81? Alors, les historiens discutent un petit peu là-dessus, mais il n'y a pas de doute sur le fond. Jaruzelski, il fait ce que Moscou lui a demandé. C'est-à-dire que Brejnev et le Politburo à Moscou ont dit à Jaruzelski, ou bien on envahit la Pologne, ou bien c'est vous qui le faites. Bien entendu, Jaruzelski et l'armée polonaise ont dit, on va le faire. Parce que l'invasion, c'est quelque chose, c'est le cauchemar absolu pour les Polonais. Ouais. Donc Jaruzelski va effectivement mater son propre peuple. Il instaure un état de guerre le 13 décembre 1981. L'état de guerre, ça veut dire au fond un état d'urgence permanent. Ouais. Et il enferme tous les dirigeants de Solidarność. Les 4000 principaux dirigeants du syndicat Solidarité se retrouvent arrêté. C'est évidemment un choc pour le monde entier. Et on se rappelle que tant en France qu'au Canada, que partout, les populations ont été extrêmement émues par ce coup de force du général. Et c'est à nouveau, on revient à ce pape Jean-Paul II dont on parlait au tout début de l'émission, c'est à nouveau lui qui ramène un peu d'espoir en Pologne lors d'une deuxième visite dans son pays natal en 83. Vous y étiez à l'époque, hein, je le rappelle aussi. Quelle importance a cette visite de Jean-Paul II en 83? Alors, c'est une visite absolument essentielle aussi parce que les dirigeants de Solidarité sont toujours en prison. Et le pape va même choquer beaucoup de gens en disant « Mais comment peut-il faire une visite dans son pays alors que les gens sont en prison ?» Et le pape répond, à peine arrivé sur le sol de la Pologne, il répond par cette phrase de l'Évangile très connue des catholiques « J'étais prisonnier et vous êtes venu me visiter. » Et le pape va faire pendant une semaine l'apologie de solidarité, de la solidarité, de la valeur solidarité. Et évidemment, le peuple polonais qui avait reçu un choc terrible en 81 et qui avait peur de ne pas s'en remettre avant longtemps, eh bien le peuple polonais va retrouver confiance simplement parce que ce pape-là est venu lui-même parler, tourner, il va de ville en ville et à chaque fois, c'est la même chose. 1 million, 800 000, 300 000, 1 million et demi de personnes sont là. Et bien évidemment, que voulez-vous faire quand vous êtes parti communiste polonais à ce moment-là? Ben vous attendez, vous baissez la tête et vous espérez que ça ne va pas durer trop longtemps. Ouais. Jaruzelski a même, tremblait même au moment où il a fait son discours en 83 devant le pape, c'est tout dire. Oui, c'est une image qu'on a tous gardée parce que le général lui-même était très impressionné par le pape. Il faut dire que tous ces gens-là, même les communistes polonais, sont très impressionnés par le pape polonais. D'abord, le pape, c'est le chef de l'Église catholique. Pour la Pologne, c'est pas rien. Et puis, il est polonais. C'est un héros national. Donc, même le général tremblait, en effet, en lisant son papier à l'arrivée du pape à Varsovie. Et ça ne s'arrête pas là, Bernard Lecomte, parce que Jean-Paul II va faire un troisième voyage en Pologne en 1987. Je sais que c'est pour vous, dans votre carrière de journaliste, un moment fort. Quel souvenir vous gardez de ce voyage-là? J'ai gardé évidemment un souvenir très très fort parce qu'il s'est passé une chose avant ce troisième voyage et qui va donner à ce voyage une connotation tout à fait différente. Il s'est passé qu'à Moscou, il y a un gars qui s'appelle Gorbatchev et qui a remplacé les vieux dinosaures d'antan, les Brejnev, Andropov, etc. Et que Gorbatchev a déclaré que il n'envahirait pas la Pologne, il n'envahirait plus les pays de l'Est. La souveraineté limitée, comme on disait là-bas, c'est fini. Ce qui veut dire que, d'un seul coup, il y a un espoir formidable. Si vraiment les Polonais pensent que les chars ne vont pas les envahir, à ce moment-là, tout est permis. Et c'est ça que le pape va essayer de faire passer et de contrôler en même temps. Le pape est convaincu de la sincérité de Gorbatchev. Ouais. Et le pape va dire, voilà, maintenant, il ne faut pas faire de bêtises. Il faut trouver une solution et ça ne peut être que le dialogue social, le dialogue entre le pouvoir, la société et l'Église. Et il va avoir lieu, ce fameux dialogue, parce que ce pouvoir polonais usé sait que Gorbatchev, justement, n'entrera pas avec ses chars en Pologne. Il y a une nouvelle génération aussi de militants qui poussent. Il y a eu des grèves sauvages à l'été de 88. Cette nouvelle génération effraie ce vieux pouvoir polonais usé. Et donc, il décide, Jaruzelski, d'organiser une conférence de négociation. On va appeler ça la table ronde. Ça commence en février 89. Je vous propose d'écouter Constanty Gebert, militant de solidarité dans les années 80, journaliste accrédité à la couverture des négociations de la table ronde. Il va nous expliquer le contexte dans lequel se déroule cette table ronde et ce qui va permettre finalement d'en arriver à un accord au terme des discussions. Extrait d'un reportage sur le 20e anniversaire de la Révolution polonaise qui a été diffusé en 2009 à l'émission Dimanche Magazine. C'était une rencontre de deux équipes qui se haïssaient. Il y avait une seule chose sur laquelle on était d'accord, les autres, c'est des traîtres. Nous sommes le peuple. Du côté des autorités, le but était très clair, nous impliquer à légitimiser le système sans nous donner le pouvoir effectif. Pour nous, le but était tout aussi clair, on ne légitimise rien, on occupe autant de territoire que possible et puis on voit. Donc, sur ces positions, aucun compromis n'était imaginable, sauf trois éléments. un élément fondamental du côté communiste. Gorbatchev a dit au parti, bon, cette fois-ci, les chars de l'armée rouge n'arrivent pas à vous sauver. Vous vous démerdez vous-même. Deuxièmement, l'économie, bon, elle n'était pas blessée, on ne peut pas blesser quelque chose qui est mort. Le pays vraiment allait droit au désastre. Et troisièmement, on ne représentait non seulement pas le peuple, même si chaque parti le clamait, on ne représentait même pas nos camps respectifs. Du côté communiste, il y avait une opposition violente contre l'idée même de négocier avec l'ennemi. De notre côté, on était déjà accusés d'être des traîtres, de se vendre aux communistes. Donc, si les négociations ne se soldaient pas par un accord, les deux parties qui sont entrées là pour négocier seraient détruites par leur propre camp. Notre survie politique dépendait du succès des négociations. Et que se passera-t-il après cet accord de la table ronde, Bernard Lecomte? Alors, après cet accord, on va préparer quelque chose de totalement inédit dans l'histoire, c'est-à-dire des élections, alors on va appeler ça des élections semi-démocratiques. On n'ose pas appeler ça des élections démocratiques, parce qu'elles sont quand même encore sous le contrôle du parti qui s'est réservé de toute façon des élus automatiques, mais semi-démocratiques parce que, voilà, il y a liberté de candidature et les gens de solidarité vont pouvoir se présenter. Personne ne sait ce que ça va donner. Je me rappelle, moi, mes reportages en mai de cette année-là, un mois avant l'élection, personne ne savait ce qui allait se passer. Et ce qui s'est passé est très clair. Au moment des élections, ce fut un raz-de-marée pour Solidarité. Et le Parti communiste était toujours au pouvoir, a pu sauver un petit peu les meubles. Mais quand on voit, par exemple, qu'au Sénat, donc il y avait des élections à l'Assemblée et au Sénat, un petit peu comme en France, et au Sénat, c'est 99 sièges sur 100 qui sont allés à Solidarité. Donc vous voyez que ça a été un raz-de-marée totalement incontestable. Ouais. Et tout ça a fait que le pouvoir communiste, c'était le début de la fin. D'abord, ces élections, elles étaient prévues à l'accord de la table ronde avec la reconnaissance à nouveau de Solidarité, liberté de presse. Mais cette élection de juin fait tout basculer. Jaruzelski sait bien que les carottes sont cuites. Et dans l'été qui suit, autre coup de force, la formule que va utiliser Miknik, un journaliste célèbre en éditorial, Adam Miknik, ce sera votre président, notre premier ministre. Et pour la première fois, donc, depuis 1945, il y a en Pologne, un gouvernement qui ne soit pas communiste, c'est la révolution qui arrive à son terme. Oui, c'est un coup de tonnerre extraordinaire d'apprendre le 24 août que le nouveau Premier ministre de la Pologne communiste est un non-communiste. Ça ne s'est jamais produit. Et pire que ça, cet homme qui s'appelle Tadeusz Mazowiecki est en plus un catholique ami du pape Jean-Paul II. Donc on voit bien que là, cette formule que vous citiez, elle est fondamentale. Votre président, notre Premier ministre. C'est comme ça que la société le voyait. On savait bien que tôt ou tard, c'est notre Premier ministre qui allait gagner la partie. Ouais. Bernard Lecomte, c'était fascinant. Journaliste, écrivain, auteur, je le rappelle, entre autres, de l'histoire du communisme pour les nuls. Merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci à vous. Merci également à Marie Caillé à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Mario Bolduc, recherche d'archives Sophie Gibson, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Louis-Pascal Loriot. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.